Fabito, il tombe pas le dos, calibré, même mon resto. Fabito, la vie c'est de l'eau, il a vu des choses qui font froid dans le dos. Fabito, il tombe pas le dos, calibré, même mon resto. Fabito, la vie c'est de l'eau, il a vu des choses qui font froid dans le dos. Il a offert une belle villa à ma maman. Fabito est toujours fait comme ghetto. Il veut, mais il veut pas se faire la main. La nuit c'est calibré à côté du bédo. Papa oui, Fabito, rien qui tasse les billets. Il pourrait les brûler pour réchauffer sa famille. Fabito, il se lève, il sort le cross. Fabito, c'est un gosse. Wanted de partout que il bouge. Fabito, il est proche des marrons, des rouges. Fabito, ses soucis lui ont compris la tête. Une idée et plus personne l'arrête. Il a vu millions d'euros dans la mallette. Fabito, aussi c'est dans la vie. Pour servir les ennemis, il tourne vers remis. Il a primé la Fabito, Fabito, il tombe pas le dos. Calibré, même mon resto. Fabito, la vie c'est de l'eau. Il a vu des choses qui font froid dans le dos. Fabito, il tombe pas le dos. Calibré, même mon resto. Fabito, la vie c'est de l'eau. Il a vu des choses qui font froid dans le dos. Il se met bruncha à Fabito. Il est posé avec des chiquitas. Il a fait faire des tours d'hélico. C'est la vie d'un trafiquant. Oh Fabito, tu crois immortel dans le barrio. Tu regardes les chemises de travers avec des cigarillos. Tu vides des âmes, tu verses des larmes, tu es le patron. La blanche ou la bleue, tu dis au petit, c'est pas bon. Fabito, c'est qu'un flatica. Pour y trahir, c'est qu'un flatica. Fabito, il trahit fusil ou canoncier. Cartel de qualité à la chier. Fabito, Fabito, Fabito, il tombe pas le dos. Calibré, même mon resto. Fabito, la vie c'est de l'eau. Il a vu des choses qui font froid dans le dos. Fabito, il tombe pas le dos. Calibré, même mon resto. Fabito, la vie c'est de l'eau. Il a vu des choses qui font froid dans le dos. Fabito, il faut s'assier un yacht. Fabito, il a besoin de personne. Fabito, il est en guerre ce soir. Fabito, aimerait te voir. Fabito, il faut s'assier un yacht. Fabito, il a besoin de personne. Fabito, il est en guerre ce soir. Fabito, aimerait te voir. Fabito, il tombe pas le dos. Calibré, même mon resto. Fabito, la vie c'est de l'eau. Il a vu des choses qui font froid dans le dos. Fabito, il tombe pas le dos. Calibré, Fabito, la vie c'est de l'eau. Il a vu des choses qui font froid dans le dos. Olé, olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé, olé.